manger ou c'est prier. J'y souffre faible. Glonage quand goutte la pluie tombe en haut là. Jésus ciel y connaît fado ou capote l'ici c'est non bye papa. Check.